Ouais mon ami, t'es pas de la famille. Mec du ghetto balafré par la vie. Ouais mon ami, t'es pas de la famille. Mec du ghetto balafré par la vie. J'ai trop fait passer, maintenant c'est l'heure de manquer. Naps nigga, what's up? Je veux que la frappe de la frappe, mes chicots étaient jaunis. J'ai vu que la mort était sale et que la haine était jolie. Au comico, je suis cramé, j'ai toujours la rajeunie. J'ai l'envers dans ma tête, mais je n'ai pas rajeuni. On va te la mettre dans le crâne, on va pas viser le perronné. Les darons cherchent du taf, les enfants sont partis voler. J'ai tout sorti et tu après le café du petit déjeuner. J'arrêterai le rap, promis que les misères au genet. Mon balai coronet, minuit sur la Rolex. Je me te laisser younes, sans shit en char en espèce. Crois pas qu'on en fait trop, t'as rassé que du gras. On connaît plus le métro, ça rappe s'il est trop. Mes souvenirs d'enfant, j'y peux qu'au crack. Belleville, place des barbes, Stalingrad. Perquisition, les comptes qui braquent. Déposition, on ne se donnait hop. Aux arrivants des gueux, j'ai des frères qui craquent. Intervention, les SS qui te bloquent. Le mitard, la haisse, même pas un kit cut. Arrive au cachot, sur les plans qui se gâtent. Faut fermer les commosos, chez nous, râle pas les occasions. On joue comme des cassos, on laisse des paracocas. Savoir résine et coca, du whisky, du coca. Quand ça sort le 11K, c'est pas pour faire un cocard. Tapis dans le noir, t'as tout mis sur un tocard. Ta femme t'attend, c'est parti pour les bobards. Les enfants témoins pourront pas faire leur devoir. C'est l'histoire de la vie, je vous raconte ce que j'ai pu voir. Je rêve, je désire voir le monde entier. C'est Jean-Michel Bazir qui a ruiné le quartier. De ça faire des jams, des parures quartier. Dans la rue que tu tombes, y'a pas de brancardier. J'ai envie de tirer une taf avant que vous ne partiez. Quand le CG de la maf et le grand quartier. Chez moi quand tu dors, tu peux te faire smatcher. J'mets du Louis Vuitton, du Dior et du Versace. Mes souvenirs d'enfance, j'y peux qu'au crack. Belleville, place des barbes, Stalingrad. Perquisition, les comptes qui te braquent. Déposition, on ne se donnait hop. Aux arrivants des gueux, j'ai des frères qui craquent. Intervention, les SS qui te bloquent. Le mitard, la haisse, même pas un kit-cat. Arrive au cachot, tous les plans qui se gâtent. On veut de la maille.